Chapitre 2e. Une importante conversation. Le grand détective de New York, Nat Pinkerton, se trouvait dans son cabinet quand on sonna au téléphone. L'appareil était placé devant lui sur sa table. Il décrocha le récepteur et appela. « Allô, c'est moi, Nat Pinkerton. Allô ?»« Je suis Mr. Clement White, directeur de l'agence de la compagnie Cunard à New York. »« Est-ce vous-même qui êtes à l'appareil, Mr. Pinkerton ?»« Parfaitement, cher Mr. White, » répondit le maître, qui connaissait personnellement le directeur. « Vous avez quelque chose à me dire ?»« Et même quelque chose de très pressé et de très important. »« Pouvez-vous passer chez nous aujourd'hui, Mr. Pinkerton ?»« Parfaitement, » répondit le détective. « J'irai vous rendre visite à 5 heures de l'après-midi. »« Très bien, je vous attends sans faute. Au revoir. »« Au revoir, » répondait Pinkerton en raccrochant le récepteur. « Je serais fort surpris, » poursuivit-il, se parlant à lui-même, « s'il ne s'agissait pas des vols commis à bord du Celtic. Je crains bien qu'il n'y ait pas grand-chose à faire maintenant que les passagers du paquebot sont dispersés aux 4 points cardinaux. » Le voleur roule peut-être déjà dans l'express de San Francisco. Pinkerton acheva d'abord sa correspondance. Il s'occupa de diverses affaires en cours qu'il chargea ses collaborateurs de poursuivre, et à 5 heures sonnantes, il faisait son entrée dans les bureaux de la compagnie Cunard, luxueusement installée dans un des plus beaux immeubles de Broadway. On le conduisit immédiatement dans le cabinet du directeur. Clement White était grand et maigre. Il avait la barbe et les cheveux tout blancs. Sa physionomie était des plus sympathiques. Il salua le détective de la façon la plus cordiale et, après lui avoir avancé un siège, lui présenta un van exquis que le maître accepta et dont il savoura les premières bouffées en connaisseur. Bientôt, la pièce fut remplie d'un nuage de fumée bleuâtre et odorante. Pinkerton, confortablement installé dans son fauteuil, se renversa en arrière et dit à brûle-pourpoint « Mon cher Mr. White, je crois bien que vous allez me demander aujourd'hui quelque chose d'impossible. » « Pourquoi cela? Que supposez-vous donc ? » s'écria le directeur, assez surpris par cette brusque entrée en matière. « Vous voudriez que je retrouve le voleur du Celtic, n'est-ce pas ? » White haussa les épaules. « Ma foi, je ne demanderai pas mieux, quoique je ne me dissimule nullement combien cela sera difficile. Maintenant que les passagers ont quitté le bord, je ne vois pas bien comment on pourrait s'y prendre. » « Non, Mr. Pinkerton, ce n'est pas là précisément ce que nous désirons obtenir de vous. Le conseil d'administration de notre compagnie m'a chargé de vous demander si vous pourriez disposer de quelques semaines et nous les consacrer. »« dit le maître après un instant de silence. « C'est grave. Vous savez aussi bien que moi, mon cher Mr. White, tout ce qui arrive chaque jour à New York. Je crois, par ma foi, que notre ville, dont nous sommes si justement fiers à d'autres titres, Le record peut enviable de la criminalité. Vous pensez, dans ces conditions, sujet de l'ouvrage? C'est-à-dire que je ne sais plus où donner la tête. Je ne l'ignore pas, dit tranquillement le directeur, et notre compagnie en est aussi convaincue que moi. Aussi sommes-nous décidés à ne reculer devant qu'un sacrifice financier, pour nous assurer votre précieux concours. Ce ne serait d'ailleurs pas la première fois que vous quitteriez New York. Si mes souvenirs sont exacts, vous êtes resté récemment encore plusieurs semaines à San Francisco pour vous emparer d'une banque qui s'était fait une spécialité de dévaliser les banques, n'est-ce pas vrai? C'est parfaitement exact, Mr. White. Aussi, c'est dit, la compagnie Cunard peut compter sur moi, dès que j'aurai remis entre les mains de mes lieutenants les affaires en cours. Et qu'est-ce qu'il faudra que je fasse? Oh, rien de plus simple. On vous demande uniquement d'aller en Angleterre et de revenir ici à bord du Celtic. Vous voyagerez comme passager de première classe ou de toute autre façon que vous jugerez préférable. Vous choisirez également le nom qu'il vous plaira de prendre. Vous êtes certainement informé des vols qui ont été commis à bord du Celtic au cours de sa dernière traversée. Malheureusement, le fait n'est pas isolé, et d'autres attentats du même genre ont eu lieu à diverses reprises sur nos paquebots. Or, après un examen attentif, nous avons acquis la conviction que ces vols répétés étaient le fait des mêmes individus, peut-être d'un seul. En effet, ces divers attentats, par leur nature et par les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, offrent entre eux des points de ressemblance frappants. Je ne vous surprendrai pas, Mr. Pinkerton, en vous disant quel intérêt nous attachons à débarrasser nos paquebots de cette engeance. Si les vols dont la comtesse de Ribar et Mrs. Nesbit ont été les victimes viennent à être connus du public select dans lequel se recrute notre clientèle, et comment voulez-vous qu'ils demeurent ignorés? Ce sera un vrai désastre pour nous. Nous serons perdus de réputation. Nous commençons déjà à sentir les premiers effets de cette défaveur, qui ne tardera pas à s'attacher à nos bateaux. Plusieurs personnes appartenant à la haute société, qui devaient partir après-demain pour l'Angleterre à bord du Celtic, nous ont prévenu qu'elles avaient différé leur voyage et qu'on pouvait disposer des cabines retenues par elles. Que voulez-vous? Sur ces énormes vapeurs, il est bien difficile de faire la police d'une façon efficace, et les voleurs ont beau jeu. Au milieu de la foule des passagers et de l'équipage, ils sont en quelque sorte noyés. Comment pourrait-on les retrouver et les démasquer? Avec un peu d'habileté, et à la seule condition de ne pas se faire prendre en flagrant délit, ils peuvent compter sur l'impunité d'une façon à peu près certaine. Mais tout cela ne tarderait pas à changer, j'en suis convaincu, si on y arrivait à faire un exemple, une bonne fois pour toutes. Or, nous nous sommes dit que le voleur du Celtic, encouragé par ses succès, retournerait sans doute en Angleterre à bord du même navire. C'est pour cela que nous voudrions vous y voir prendre passage également. Nous avons toute confiance en vous, Mr. Pinkerton. Votre expérience, votre habitude du monde des malfaiteurs, votre profonde connaissance du cœur humain, nous sont connus et nous savons que rien n'échappera à votre perspicacité. Quelle satisfaction pour nous si vous pouviez réussir à délivrer définitivement nos bateaux de cette dangereuse clientèle. Pinkerton resta un moment les yeux baissés, comme absorbé dans de profondes réflexions, puis il releva la tête. Dites-moi, Mr. White, vous avez bien à bord de tous vos paquebots un certain nombre de détectives particuliers, n'est-il pas vrai? Parfaitement. Mais ils ne sont pas encore parvenus à mettre la main sur le rusé coquin que nous recherchons. Il y a cependant parmi eux des garçons fort intelligents et d'habitude ils nous rendent les plus grands services. Mais cette fois ils y perdent leur latin. Il est bien entendu que ces détectives ne sont pas que je suis à bord. Il en sera ce que vous voudrez, Mr. Pinkerton. Entendu alors. Vous voudriez bien m'envoyer dès demain soir un billet de première classe pour l'Angleterre au nom de Harry Cliff Howard de Baltimore. Je partirai avec le Celtic et je verrai s'il y a moyen de faire quelque chose. Le directeur se leva vivement et tendit la main au maître. Merci mille fois de votre prompte acceptation, dit-il. Je respire enfin. Pour le billet, je vais tout de suite faire le nécessaire. Parfait, dit Pinkerton. Une dernière recommandation. Envoyez-moi la liste des passagers qui doivent s'embarquer sur le Celtic. Quel est le port anglais où nous nous rendons? Southampton. Bien. Si d'autres personnes se faisaient encore inscrire après que vous m'aurez communiqué la liste, n'oubliez pas de m'envoyer également leur nom. Ce sera fait, vous pouvez y compter. Je désire également que vous compariez les listes du retour avec celles de l'aller. Vous voudrez bien mettre une croix à l'encre rouge devant les noms des voyageurs arrivés ici avec le Celtic et repartant au bout de 3 jours. Entendu. Je vous rappelle que le Celtic quitte le port après-demain matin à 11 heures. Soyez sans crainte, Mr. White, j'y serai. Sur ces mots, le détective prit congé du directeur. Il employa cette journée et celle du lendemain à répartir les principales affaires en cours entre ses deux plus fidèles et plus anciens collaborateurs, Perrier et Morrison. Nat Pinkerton arriva sur le quai d'embarquement de la compagnie Cunard à Hoboken, 2 heures avant le moment fixé pour le départ du Celtic. Il était mis avec la plus grande élégance. Il avait une petite barbe noire et portait des lunettes en or. Il donnait l'impression de quelqu'un de très riche, qui se rendait en Europe non pour ses affaires mais pour son agrément personnel. Plusieurs grandes malles dont il avait eu soin de se faire suivre étaient destinées à fortifier encore cette première opinion. Au doigt, il portait plusieurs bagues ornées de pierres précieuses. À son épingle de cravate scintillait un diamant de la plus belle eau. Tous ses bijoux, qui, comme il faut bien le dire, ne voyait que très rarement le jour, étaient des cadeaux faits à Pinkerton par des personnes fortunées à qui il avait eu l'occasion de rendre service. S'il les avait exhibés ce jour-là, c'était dans l'espoir d'attirer sur lui l'attention du voleur, en admettant qu'il se trouvait à bord. Si cet individu avait la funeste idée de s'en prendre à lui, la partie était gagnée d'avance par le maître. Le Hudson roulait vers la mer ses eaux colorées de mille feux par l'ardent soleil de midi. Sur l'autre rive, on voyait se dresser les énormes gratte-ciels de New York. Des bacs, des remorqueurs, des embarcations de tout tonnage et de toute dimension sillonnait en tous sens l'immense bassin formé par l'embouchure du fleuve. Dans le lointain, on apercevait la statue colossale de la Liberté éclairant le monde, devant laquelle passent tous les navires qui entrent dans le port ou en sortent. C'était une de ces magnifiques journées comme elles sont rares même à New York. Après avoir fait porter ses malles à bord et avoir rendu une brève visite aux deux magnifiques cabines de première classe qui lui avaient été assignées, Nat Pinkerton était remonté sur le pont promenoir et s'était accoudé au garde-fou d'un air indifférent et nonchalant. Il ne songeait pas à admirer le magnifique panorama qu'il avait sous les yeux. Toute son attention se concentrait sur les passagers qui commençaient à arriver de plus en plus nombreux. Il montait par une large passerelle en bois jeté du quai d'embarquement jusqu'au paquebot. Les passagers d'entrepont étaient déjà à bord. Ils étaient arrivés dès les premières heures du matin. Le détective dévisageait avec la plus grande attention chacun des arrivants à mesure qu'il mettait le pied sur le pont. Avec son expérience consommée du cœur humain, il ne lui fallut pas un long examen pour distinguer ceux des passagers que ne pouvait effleurer aucun soupçon. Un bref regard suffisait pour le renseigner sur leur compte. De cela, il n'aurait plus à s'occuper pendant le reste de la traversée. Tout à coup, il était environ 10h30, et dans une demi-heure, le Celtic allait lever l'ancre. L'attention de Pinkerton fut attirée par un gentleman mis avec la plus grande élégance, qui venait de descendre d'automobile et payait le chauffeur. Ce personnage avait le teint fortement bronzé, de grands favoris noirs et des moustaches dont les pointes se redressaient verticalement. Cette physionomie rappela immédiatement à Pinkerton un escroc qu'il avait arrêté un peu plus de 8 ans auparavant et qu'il avait fait condamner à plusieurs années de prison. « Bill Brewer, le roi des bonteurs, » dit Pinkerton à mi-voix. C'était du moins le nom qu'on donnait à cette époque-là à ce triste personnage. Or, chose singulière, dès qu'il aperçut le nouveau venu, le détective, instinctivement, pensa sur le champ à ce Bill Brewer. À vrai dire, celui-ci ne portait pas de barbe autrefois. Au contraire, il était toujours soigneusement rasé. Le monocle vissé à l'œil, et il avait aux mains des gants paille qu'il ne retirait presque jamais. Mais il avait déjà ce teint bronzé qu'aucun fard, aucune poudre, ne parviennent à atténuer. Ses attitudes, ses mouvements, toutes ses allures, au moment où, arrivé sur la passerelle, il montrait au contrôleur son billet de première classe, puis montait à bord, tout cela rappelait à s'y méprendre Bill Brewer. Or, Nat Pinkerton possédait une mémoire extraordinaire des physionomies, à laquelle il pouvait se fier à peu près en toute sécurité, et qui lui permettait de reconnaître un homme après de longues années écoulées. « Tiens, tiens, » se dit-il, « voilà qui est tout à fait intéressant. Allons, le voyage s'annonce bien, et je crois que ça marchera. En tout cas, voilà un particulier que je ne perdrai pas de vue de toute la traversée. » Il est possible que notre homme ait renoncé à tricher au jeu. Ça ne lui est pas assez bien réussi pour qu'il tienne à se consacrer exclusivement à cette spécialité. Mais je suis bien convaincu qu'il n'est pas devenu plus honnête homme pour cela, et qu'il a simplement trouvé un autre moyen de vivre aux dépens de ses semblables. En tout cas, il est assez adroit et assez rusé pour avoir commis les vols du Celtic. Lorsque le nouveau venu fut sur le pont, Pinkerton passa devant lui et le regarda, sans éveiller son attention. Il ne s'était pas trompé. Cette fois, il en était sûr, c'était bien Bill Brewer. À vrai dire, il ne s'était pas fait inscrire sur la liste des passagers sous ce nom, mais sous le nom de John Howard, ainsi que le détective put s'en assurer. Pinkerton jubilait intérieurement. Le voyage s'annonçait sous les plus heureux auspices. Brewer ne s'était certainement pas amendé et n'était pas revenu au bien. Sa mise élégante le prouvait surabondamment. Alors, que venait-il faire sur le paquebot? En admettant qu'il ne fût pas le voleur tant cherché, il avait certainement quelques projets louches, et il importait de le surveiller de près. Les derniers passagers étaient montés à bord. Sur le quai, leurs parents et leurs amis étaient groupés en une foule compacte. La grande passerelle fut retirée. Les mouchoirs blancs commencèrent à s'agiter. Les ancres furent levées et le petit remorqueur qui devait emmener le Celtic hors du port tendit le câble qui le rattachait au grand paquebot. Puis, le signal du départ fut hissé. Les sirènes commencèrent à mugir et le colosse se mit lentement en marche. Il glissa sur les vagues, salué par les hurrahs et les cris de joie de la foule. Il s'éloignait de plus en plus et bientôt il ne fut plus qu'un point noir perdu à l'horizon, puis tout disparut.